putain, je t'ai des gros. C'est un problème de zéro de code. M'en fous, je suis pas à l'école. Bon bah je forme les mobs. J'ai fini l'école. Viens plus sur la flique. Viens plus sur la flique. Ce matin, t'es. Et après, laissez. Putain, mais ça sent bien. Avec de la bière et du vin. Je suis gros, j'ai les cheveux longs. Sur les lèvres, j'ai le jambon. J'ai les belles que l'Univergus. Encore moins la l'Univergus. 4h du mat sur mon PC. Et de la pizza dans le PC. Vas-y, envoie une tranche. Je l'adorerai jusqu'à dimanche. De belle à gâteau. Putain que ce sent bien. Avec de la bière et du vin.